Join me on RIC. Paul, merci, c'est un contrôleur de Nexo. RIC 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Tant que ce jingle existe, merci à Patrick et Bernard et tout ça, ceux qui m'avaient fait Franck et Dominique. Non, pas Dominique. Ah, je m'en souviens plus. Enfin, merci à eux en tout cas de m'avoir fait ces jingles là. C'était vraiment très très sympa. Ça reste toujours très très sympa. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet. Nous sommes en direct du Stade Bordelais parce que ce soir, les Fab Four ont décidé. Je le savais depuis quelques jours, hein, je vous avais averti, de nous faire un concert, un seul concert au Stade Bordelais. Il y a eu quelques affiches, mais le concert, de toute façon, est sold out depuis un moment, depuis une semaine. En une semaine, ça c'est même pas mis une semaine. Et tout le monde est là, le stade est plein. J'avais vu une de nos collègues là, sur Facebook me dire qu'elle était dans la fosse. Hélas, y a trop de monde pour que je lui ai demandé d'agiter les bras, mais là, de là où je suis, je ne vois que du monde, du monde, du monde, du monde. Ça va bien se passer, je pense. On est ensemble pendant 2 heures. Il va y avoir Paul, Ringo, Georges et John qui vont nous faire une setlist que je ne connais pas. Je vais découvrir en même temps que vous, donc, eh bien, la musique, ça va être génial, j'en suis persuadé. Et puis, vous pouvez commenter sur le groupe La Saga des Fab Four. Sur Facebook, bien entendu. Vous pouvez aller voir également sur macaclub.com, là où vous aurez tous les renseignements sur Paul McCartney. Et puis pour le reste, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez commenter si vous avez Twitter sur Saga Fab Four, hashtag Saga Fab Four. Voilà. J'espère qu'ils sont prêts. On a fait signe que ça va commencer dans moins d'une minute. Donc je laisse courir le générique et j'espère que dès la fin du générique, eh bien, ça va, le rideau va se lever et nos 4 amis vont apparaître. À tout de suite. Commence toujours plein pot et nous s'arrête au bout de 3 ou 4 chansons, je crois, avant de dire bonjour. Donc on va voir ce qui va se passer. Ah, ça commence de suite avec My Best Friend sur RG. Thank you. Voilà qui démarre bien. Paul McCartney est en forme, les autres aussi, j'en suis persuadé. Donc, la suite, eh bien, c'est maintenant. Getting Closer, vous avez reconnu. RIG 90.7 en direct du Stade de Bordeaux, le concert de John, Paul, Ringo et George. Et Billy Joel qui rentre sur la scène. trois chansons menées tambour battant par John, Paul, Ringo et George, avec en plus sur le dernier l'intervention de Billy Joel. Merci à eux. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vais allumer ma loge en rouge. J'ai vu une lumière rouge. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça vaut peut-être le coup pendant que Paul est en train de dire bonjour dans un français presque impeccable. Bonjour Bordeaux. Le public réagit. J'ai baissé les retours de façon à ce que je puisse parler. Sinon, vous ne m'entendriez pas si je laissais les retours monter. Le stade est plein. Il fait beau. Il ne pleut pas. C'est tant mieux. Et la nuit n'est toujours pas tombée. Je vais laisser la place à la suite du concert. Je pense que on est parti pour 2 heures vraiment d'éclate. Ils ont l'air d'être en super forme, nos amis. Allez, on remet le... Ah oui, Got to Get You Into My Life sur RIG. Just a girl for me. I want all the world to see we've met. La-da-da-da-da-da. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La-da-da-da-da-da. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, yeah.

entendre un petit peu George chanter des vieilles chansons des Beatles. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, le mercredi soir de 20h jusqu'à 22h. Est-ce que c'est la fin de la période première? Blue Moon of Kentucky. Ah, attendez. Est-ce qu'on va faire Blue Moon of Kentucky? Non. Yeah, he's got the chords. What's the opening? Yeah, just a short version. George dit juste une version courte. Blue Moon, keep shining bright. Blue Moon, keep on shining bright. My baby back tonight. Shining bright. I said, Blue Moon of Kentucky, keep on shining. Shine on 90.7 ou www.rjfm.fr. Ce soir, nous retransmettons l'intégralité du concert de John Paul Ringo George au Stade Bordelais. Ici à Bordeaux, on est drôlement content de les avoir. On a écouté depuis le début, je le rappelle une dernière fois, My Best Friend, Getting Closer, I Saw Her Standing There avec Billy Joel qui est venu pousser la chansonnette. Il y a eu également Got to Get You Into My Life, I saw her standing there, mais I've just seen a face. J'ai noté également un set de Beatles Oldies avec Some Other Guy, Do You Want to Know a Secret, Roll Over Beethoven, Please Please Me, et à l'instant, Blue Moon of Kentucky. Que nous réserve la suite? Eh bien, on va le savoir dans quelques instants. Restez bien sur RIG 90.7 avec Ringo Starr qui a l'air de se mettre en avant pour chanter une chanson. Une chanson qu'on connaît certainement. Est-ce que ça va être une chanson des Beatles ou une reprise? Ou peut-être une période de sa période solo? Eh bien écoutez, on remonte le son et on va juger ça. Alors, c'est facile, c'est Honey Don't. Thank you. Et Perkins est venu rejoindre nos amis Jean-Paul, Ringo et George. Et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Il me semble qu'il va interpréter avec George Harrison une autre chanson. Ce sont fait des clins d'yeux. Et je pense que c'est parti pour une bonne soirée. Est-ce qu'il va rester longtemps au Carl Perkins? Je ne sais pas. Rappelez-vous, je n'ai pas la setlist. Tu connais celle-là? Ouais, je ne suis pas sûr de me rappeler des mots. Des paroles. That's what I want. a sweet and lovely girl. George Harrison, belle version blues de For You Blue. C'est un peu normal parce que c'est le titre du morceau. Des Beatles, j'espère que tout se passe bien pour vous. Vous êtes sur RIG qui retransmet en intégralité le concert de John, Paul, Ringo et George au Stade Bordelais. On n'est pas très loin, on est relayé par ligne téléphonique, mais apparemment ça passe bien. Et c'est ça la fibre, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et vous, vous le recevez chez vous sur www.rigfm.fr et vous commentez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. La Saga des Fab Four, est-ce que je vous avais dit que c'était la numéro 371 et que là, c'est tranquille puisque je n'ai rien fait, ce sont les Beatles qui font tout. Et je vois rentrer sur scène Paul Simon. quoi. Je vais vous dire. All right, here we go. Un par deux. Ah ben voilà, il nous l'a dit. Maybe I'm amazed. Paul McCartney sur RG. Maybe I'm amazed at the way. And now the next song is for mon ami Thierry Gallet. De la saga des Fafours. This is correct. It's a bow. And it goes like this. Je ne m'y attendais pas à celle-là. C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Oui. Merci les gars. Oh purée, alors je suis touché. Birthday sur RIG. RIG 90.7, la radio des Beatles. Le mercredi sur RIG, on n'écoute que les Beatles. John, Paul, Ringo, George. Qu'est-ce que c'est que cette jam? Je ne reconnais pas. We'll be right back. super medley de deux chansons, It at Home et Smile Away sur RG. Je vois Danny Lane. Ah, ça fait plaisir. Danny Lane qui a droit à une chanson Go Now. Vous êtes bien sur RG? C'est la retransmission intégrale du concert de John Paul Ringo George au Stade Bordelais. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h au moins. Et vous êtes sur 90.7 pour la FM, www.rigfm.fr pour le reste du monde.

essayer de refaire le point. Je sais plus où je m'étais arrêté. Il y avait eu, vous savez, la petite série de Beatles. Je l'ai redit, allez, c'est pas grave. On a écouté depuis le début, je les ai notés sur une feuille. My Best Friend, Getting Closer, I Saw Her Standing There, Billy Joel, Got to Get You Into My Life, I've Just Seen a Face, Some Other Guy, Do You Want to Know a Secret, Roll Over Beethoven, Please Please Me, Blue Moon of Kentucky, mais ça a été très court, George Harrison n'avait pas très envie apparemment de nous faire un long morceau, Honey Don't par Ringo Starr, et également il y avait Carl Perkins sur ces morceaux-là, Everybody's Trying to Be My Baby et Glad All Over. Il y a eu Money chanté par John, For You Blue, Here Comes the Sun avec Paul Simon, Maybe I'm Amazed, Birthday, ça c'était la surprise, merci, Medley, Eat at Home, Smile Away, Go Now avec Danny Lane, ça c'est la surprise aussi, Soily et à l'instant Coming Up. Que nous réservent John, Paul, Ringo et George au Stade Bordelais avant la fin? Déjà, il ne reste plus que 40 minutes de concert à peu près, à moins qu'il prolonge, on ne sait jamais. Eh bien, on va le savoir en remettant le son du stade. J'espère que vous allez bien ici, c'est la fête, on s'éclate sur RIG 90.7. Oh, 20 Fly Truck sur RIG. When it comes to rocking, she's a queen to dance on a Saturday night. All know her up and hold it tight. She lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. I'm walking on 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. My mother tells me I'm starting to say 15 before I'm ready to drag. I get to the top. Spider-Man, all the danger, Spider-Man, all the danger, I'll do anything.

rock mené tambour battant, ça. Vous êtes bien sur RIG. Et voici maintenant Drive My Car sur RIG 90.7. Understood. Voilà, c'était pendant les soundchecks, je crois, qu'ils avaient fait ce morceau-là. Et puis, étonnamment, ils nous l'ont sorti là. Et c'est drôlement bien, ça passe très très bien. Oh, oh, oh, vous allez faire oh, eh oh, oh, eh oh. Voici Mrs. Vanderbilt sur RG. But you don't mind. Je pense à la fin du concert. Ah, c'est Ringo. Don't pass me by sur RG. Listen for your footsteps but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? Ticking on the mantelshelf, I see the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, and why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue, 'cause you know, about an hour or two. Well, that's all right, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue, 'cause you know, darling, I love only you. You never know it hurts me so. I'll hate to see you go, don't pass me by. Moment que je redoutais, John, Paul, Ringo et George se sont mis sur le devant de la scène et ont salué le public et se sont retirés. Ça voudrait dire que c'est fini. Vous n'entendez pas parce que j'ai baissé les retours, mais tout le monde crie encore, encore, encore, oh, oh, oh, truc comme ça. Et j'espère qu'ils vont revenir très vite. En général, ça dure franchement pas longtemps. Alors je vous rappelle que vous êtes sur RIG 90.7, que c'est la saga numéro 371 et que ce soir, eh bien, c'était le live. C'était parce que ça va finir d'ici une dizaine de minutes s'ils ne sont pas en retard. C'était le live de John, Paul, Ringo et George à Bordeaux, enfin au Stade Bordelais. Ça leur arrive de temps en temps et ça s'est franchement très bien passé. 1h50 jusqu'à présent de musique ininterrompue. Ils ont vraiment la forme pour plus de 70 ans chacun. C'est vraiment très très bien. Les voilà qui reviennent et ils ne reviennent pas tout seuls. Oh, allons-y, je remets le son. Monsieur Bruce Springsteen est avec eux sur scène. noticed I was late. Found the boat and grabbed my hat. Found the bus and seconds fly. Found the wee upstairs and had a smoke. Somebody spoke and I went into a dream. Le concert aura été mené tambour battant par John, Paul, Ringo et George pendant plus de 2h13. Et là, il se retire, c'est terminé. Je rends l'antenne à Blanquefort pour qu'il puisse remettre de la musique pendant toute la soirée. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres aventures. Pas d'Eric ce soir, c'est le DJ de la radio qui enchaîne tout à l'heure. Merci, au revoir, à la prochaine fois. Bisous filles et poignée de mon garçon, ça suffira. Ciao.